François Morel, c'est à vous. Demain, c'est extraordinaire, vous pourrez lire dans mon cerveau. Ainsi, demain, quand vous m'entendrez dire avec passion, avec enthousiasme, avec fougue, demain, c'est extraordinaire, vous pourrez lire dans mon cerveau. Simultanément, vous pourrez lire dans mon cerveau. Aujourd'hui, c'est lamentable, c'est pitoyable, c'est navrant. Je dois tenir 3 minutes 30 sur le cerveau face à un grand neurologue alors que je n'ai rien à dire sur le cerveau. Demain, c'est ahurissant, vous pourrez lire dans mon cerveau. Demain, chacun de nous sera un livre ouvert. Imaginez le changement. Plus de non-dits, plus de quant à soi, plus de secrets, plus d'aveux, plus de pieux mensonges. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Traduction, je me demande si je serais pas mieux au chaud dans mon lit. Le médecin dira « Il ne faut pas perdre courage, Madame Duchemol. Vous avez encore de belles années devant vous. » Et Madame Duchemol lira dans le cerveau du docteur, c'est fini Madame Duchemol, la semaine prochaine, direction cimetière. Demain, chacun de nous sera un confessionnal ouvert à tous les vents. Plus de formules de politesse, plus de mystères, plus de révélations, plus de garagistes. Ouh là là, Monsieur Duchemol, le moteur de votre Mégane, il est fatigué, il faut changer l'embrayage, la courroie de distribution, les amortisseurs, les plaquettes de frein. Et Monsieur Duchemol dira « Tiens, mon pigeon, je vais te faire raquer un maximum. Demain, chacun sera un secret divulgué. Plus de promesses, plus d'engagements, plus de serments. Devant le prêtre, les nouveaux mariés se promettront une fidélité éternelle et la famille réunie dans l'église lira dans le cerveau des tourtereaux qu'ils essaieront, dans la limite du possible, de ne pas donner trop de coups d'accroc dans le contrat de mariage, mais que ce ne sera pas facile parce que déjà la petite sœur de la demoiselle d'honneur, c'est pas pour dire, mais elle est extrêmement gironde, et le cousin de Montpellier qui est drôlement musclé, entre nous, j'en ferai bien mon 4 heures. Plus de psychanalyse, plus de psychiatre, plus de littérature, plus de poésie, plus rien, plus d'intériorité. Plus qu'une extériorisation objective, froide, impartiale. À la télévision, le prétendant à l'investiture suprême dira « Je vous demande de voter pour moi parce que je veux remettre la France au travail, je veux que les jeunes aient de l'avenir dans notre pays, je veux que le chômage diminue de façon significative. » Et les téléspectateurs liront « Je n'ai aucune idée de la manière dont je pourrais bien y arriver. Votez pour moi. » Le présentateur à la télévision dira « Je suis très heureux de vous retrouver. » Le public entendra « Je suis très content grâce à vous de m'en mettre plein les fouilles. » L'interviewé dira « Je vous remercie de me poser la question. » L'auditeur entendra « Je n'ai aucune envie de vous donner ma réponse. » Plusieurs questions justement à propos du cerveau. Le désengagement politique de Jean Roucas indique-t-il déjà une fuite des cerveaux au FN ? Y a-t-il un rapport entre le fait que manger du poisson est bon pour la mémoire et la remarque que me faisait un ami cannibale m'assurant que le cerveau humain avait un goût d'œuf de poisson. Demain, le cerveau pourra-t-il être piraté comme n'importe quel ordinateur ? Demain, les pensées humaines pourront-elles être surveillées ? Le cerveau de chacun pourra-t-il être mis sous écoute ? Il paraît qu'on n'utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau au goût d'œuf de poisson. Vu les perspectives, c'est peut-être mieux comme ça. François Morel, merci. On pourra lire dans le cerveau un jour, Lionel Nakache. On fait des premiers pas, mais on n'en est pas au fantasme de François Morel, fantastique. Bon, et c'est peut-être mieux comme ça, comme disait François Morel. Merci François. Les poules chez Jérôme Deschamps, c'était dans Les Brigands à l'Opéra Bastille. Voilà, fin de la parenthèse. Merci.